Ok, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue vraiment cordialement dans le nom du Seigneur Jésus. Ok. Alors, nous allons nous lever directement pour honorer la lecture de la parole. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16. Évangile selon Saint Matthieu. Chapitre 16. Je vais lire du verset 13 au verset 20. Pour cela que se basera notre méditation de ce matin. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, il leur recommanda. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et qu'il n'a qu'il y a ce n'a pas qu'il y a qu'à Isla, n'a Philippe. A tout n'y baille qu'il y a été. Bato bazali koloba été moi n'a moto. Azali, nini, nani. Bango balobi ete, bamususu ete, Yohana Mobatisi, bamususu ete, Elia, bamususu ete, Ilimia, soko, moko, na basakoli. Alobina bango ete, nde bino, bokoloba kete ngayi, nazali nani. Simona pete lo azongi si ete, yo ozali Kristo, mwana nanzambe na bomoi. Yesu azongi se liye ete, esengo na yo Simona mwana na yona. Zambi mosuni mpe makila ya imonisi yo yango na yote kasi tata na ngai na likolo ngai pe na koloba na yo ete yo ozali petelo mpe na libanga oyo na kotonga lingomba na ngai pe likuke na yelo ikoki kolonga kolonga liboso na yango te na kopesa fungola na bokonzi na likolo mpe eloko nini ezali yo kokanga na mokili ekokanga na likolo mpe Eloko nini ezali yo kofungola na mokili ekofungoma mpe na likolo. Na tango yango alakaki bayekoli na ye na makashi ete, bayebisa moto te ete ye azali Kristo. Amen. Amen. Tobondeli Nzambe. Nzambe tata liloba na yo ezali solo. Pe yango ekumela seko na seko. Totangi makomi. Mutolo sa ekoli ya mayele akokotanga kasi molimboli bubele yo moko sima biso kotanga makomi nasengi na kombo na nkolo Yesu Kristo obakisali pamboli na yo na makomi maye tosi kotanga bongo opakola motei na mafuta na molimo na mosanto okitisela ngai epakweli ya mosala esina ete kofungola ngai bibebu nasaka kobeli loba na yo Pe na bozinde kwa kolimbola maboko na yo. Pe moyo kinyoso. Banso tombola biso na mosanda na molimo tata. Kote lubano ezali molimo. Pe bon moyo. Pe sa boyo ki malamu na mwana mobali mwasi. Afungola penza motema. Atine ti liloba enge na kati. Tundimi ete lubano ezali na nguya. Kona kobongola. Kanisi ete lubano ezali mosakole na yo. Puissance transformatrice na yo nzambe. Ezali katne lubano na yo. yango to tondi peto komisio tondi mike to kolia na mesa na usafa ipe peto kuzwa nda kupisi kotonda peto komisa yo na kombo na nkolo pe mbiksi Yesu Kristo to sengi boye. Amen. Amen. Veux vous asseoir de nouveau. Okay, commandant. Ok, donc comme j'ai dit, maintenant j'entre maintenant dans le sujet en fait pour que nous puissions voir vraiment l'importance de la révélation. Ok, mercredi, je donnerai la salutation. Vendredi, je continue encore un peu avec la salutation. Sur l'expérience de d'Abel et son frère Caïn. Et je crois qu'à travers ça aussi, ben, chacun peut aussi voir combien la révélation est importante. Pour l'adoration. Donc, il nous faut avoir la révélation. Recevoir la révélation de Dieu seul qui donne la révélation. Pour que nous puissions l'adorer comme il se doit. Nous devons connaître celui que nous adorons. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous connaissons celui que nous adorons. Car le salut vient des Juifs. Or Dieu est mystère. Un mystère ne peut pas être compris comme ça. Il faut que cela vous soit révélé. Si cela ne vous est pas révélé, vous ne comprendrez jamais un mystère. Vous aurez toujours une idée vague sur la chose. Vous penserez peut-être que vous comprenez la chose, mais or en réalité vous ne la comprenez pas. Alors soyons sur nos gardes. Cette écriture nous la connaissons. Un bon lecteur de la Bible a déjà vu ça plusieurs fois. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vous ont échappé en lisant même ce texte. Okay, allons-y un peu ce matin. Okay, non, donc nous méditons ensemble. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Quand on pose la question, qui? Donc c'est qu'on veut connaître la personne. Il est qui? Azali nani? Alors Jésus pose la question. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Fils de l'homme encore. Fils de l'homme. Pendant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus, parlant de lui-même, il s'appelait toujours le Fils de l'homme. Or le Fils de l'homme signifie prophète. Oui. Fils de l'homme signifie prophète. Même de l'Ancien Testament. Même de l'Ancien Testament, vous pouvez lire dans Ézéchiel, dans Jérémie, la Dieu parlant à Jérémie, fils de l'homme, prophétise, Sakola. Dit ceci. Donc, fils de l'homme signifie prophète. Mais dans Apocalypse, chapitre 1er, ici, au verset 4, la première partie, je lis ceci. Jean, Yohana, aux sept églises qui sont en Asie. Aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Ngolu pe kimia epesa mela na oyo Azali. Et puis ça me l'a dit non. Que la grâce et la paix vous soient données. Ngolu pe qui me paix ça me l'a dit non. De la part de celui qui est. Naye oyo Azali. Qui était. Azalaki. Et qui vient. Pe Azali koya. Je m'arrête là. La télémion. Celui qui était. Oyo Azalaka. Qui est. Oyo Azali. Et qui vient. Oyo Azali koya. Celui qui était. Yo Azalaka. Le fils de l'homme. Mwana na moto. Le prophète. Mosakoli. L'aigle. Pongo. Celui qui est. Yo Azali. Le fils de Dieu. Mwana na nzambe. Le sacrificateur. Nganda. L'agneau. Mwana mpate. Celui qui vient. Yo Azali koya. Le fils de David. Mwana na Dawidi. Le roi. Mokonzi. Le lion. Kosi. Vous direz, oh, mais comment on voit l'aigle, on voit l'agneau, on voit le lion. Comment on a... Frère Branham a prêché un sermon qu'il a intitulé Apocalypse, livre des symboles. Dans toute la Bible, il n'y a pas un livre qui a autant de symboles que celui de l'Apocalypse. Alors, comme c'est un livre qui contient des symboles, si ces symboles-là ne vous sont pas interprétés, comment comprendrez-vous maintenant alors le contenu du livre? Pour que vous compreniez le contenu du livre, il faut que les symboles qui sont dans ce livre-là vous soient interprété. Cela peut vous être prêché parce que c'est interprété. Mais pour que vous compreniez ça, il faut que Dieu vous les révèle. Sans révélation, ça vous passera sur par ici là. Donc je parle sur l'importance de la révélation. Attirer l'attention de mon frère et de ma soeur. Pour que chacun nous puissions comprendre combien la révélation est importante. Et que nous puissions avoir l'attitude correcte devant Dieu. Nous humilier. Nous attendre seulement à lui. Parce que c'est lui seul qui donne la révélation. Le pasteur ne pourra pas vous donner la révélation. Aucun prédicateur ne vous donnera la révélation. Même pas Frère Branham. Le prophète, il a reçu la révélation. C'est la parole. Et il a prêché. Il a proclamé la parole. Mais pour que les gens à qui il prêchait comprennent la parole, il faut que Dieu donne à chacun la révélation. Celui qui était le fils de l'homme, celui qui est le fils de Dieu, celui qui vient, le fils de David. Donc celui qui a marché sur la terre ici, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que fils de l'homme, il était prophète, mais il n'était pas un prophète comme tous les autres prophètes. Il était la plénitude de tous les prophètes. Donc, tous les prophètes étaient réunis en lui. Il était Dieu le prophète. Ou le prophète Dieu. Donc il n'était pas n'importe quel prophète. Il était un prophète particulier. Donc, en tant que fils de l'homme, il était prophète. Et il pose la question. Qui dit-on que je suis? Moi le fils de l'homme. Mais dans ce que je viens de vous dire ici, vous voyez, le fils de l'homme c'est l'aigle. Le prophète. Parce que Dieu identifie ses prophètes aux aigles. Le fils de Dieu c'est l'agneau. Le sacrificateur. Munganga. Le fils de l'homme, Mwana na moto, c'est le prophète. Azali Mosakoli. Le fils de Dieu, Mwana na Nzambe, c'est le sacrificateur. Azali Nganga. Le fils de David, Mwana na Dawidi, c'est le roi. Akomi Mokoli. C'est toujours lui. Ezali Kobele moto moko. Il a œuvré comme prophète. Azali Kilokola Mosakoli. Il a terminé son ministère. Azali Kilokola Mwana. Maintenant, il œuvre comme sacrificateur. Azali Kazali Kosala Kola Nganga. Intercédant. Azali Kolobele Laka. Pour tout cela dont il avait écrit le nom dans son livre de vie. Avant la fondation du monde, jusqu'à ce que le dernier entre en Christe, il sera terminé. Frère Banam dit, il n'y aura ni un en plus, ni un en moins. Le nombre sera au complet. Parce que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il les connaît. Ayebi bango. Mais entre le fils de Dieu, entre le fils de Dieu, et le fils de David, roi, entre les deux, dans le livre de l'Apocalypse ici, quand vous lisez au chapitre 5, là, il est décrit quelqu'un qui était assis sur le trône dans le ciel. Il est dans sa main droite un petit livre. Et qui était scellé de sept sceaux. Un ange puissant dans le ciel a crié d'une voix haute. Qui est digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux? Ça, c'était l'appel aux parents rédempteurs. L'appel aux parents rédempteurs. Quand vous lisez dans notre traduction de Louis II, il est dit, personne dans le ciel, personne dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, ne peut trouver digne. Mais quand vous lisez la Bible anglaise, là il est écrit non même, c'est-à-dire aucun homme dans le ciel, sur la terre. Parce que ça c'était l'appel au parent rédempteur. Le parent rédempteur devait être un homme semblable à l'homme qu'il doit racheter. Voilà pourquoi dans 1 Timothée 2:5 il est dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Je préfère lire ça un peu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Il n'est pas du tout court Jésus-Christ. Jésus-Christ est homme. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand il n'y avait personne dans le ciel, Jean s'est mis à pleurer. Parce que s'il n'y a personne qui est vu, alors c'est que c'est fini, nous sommes perdus pour toujours. Mais un des anciens, un des vieillards, dit, oh non, Jean cesse de pleurer. Les lions de la tribu de Judas a prévalu pour ouvrir le livre et c'est sept sceaux. Jean s'attendait à voir maintenant un lion, mais il voit du milieu du trône de Dieu sort un agneau. Ouais. Ça, si ces symboles ne sont pas interprétés correctement, alors la pensée de Dieu qui est exprimée dans ce qui est dit là, vous ne la saisirez jamais. Au lieu de voir un lion, j'en vois un agneau. Maintenant, il faut voir le rapport, le lien qu'il y a entre l'agneau et le lion. Or l'agneau c'est le fils de Dieu. Fils de Dieu. Sacrificateur. Nganga. Et le lion. Pélion. C'est le fils de David. Et le roi. Mokonzi. Alors, quel lien y a-t-il ensemble? Donc, je vous parle sur l'importance de la révélation, vous voyez. Donc, j'ouvre cette petite parenthèse pour vous donner aussi la matière. Parce que celui qui est prudent, il peut noter. Il va relire un peu à la maison. Et il va prier aussi que Dieu lui révèle. Parce que votre croissance spirituelle ne dépend pas seulement de ce qui vous est prêché du haut de la chaîne. Mais votre croissance spirituelle dépend aussi en partie de votre méditation personnelle de la parole. Votre méditation personnelle. Parce que Dieu traite avec ses enfants par la révélation. Plus vous méditez la parole, plus l'inspiration vient, plus vous ouvrez la chose, plus vous avez la révélation, plus vous comprenez la chose. Mais si vous ne méditez pas profondément la parole, donc vous serez quelqu'un qui imaginait avoir la chose alors que vous n'avez pas la chose. Qui dit donc que je suis moi le fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jean-Baptiste était prophète. Celui qui s'est tenu dans la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais Élie et Jérémie étaient tous des prophètes de l'Ancien Testament. Comment peut-il dire que Jésus était Jean-Baptiste? Ou Jésus était Élie? Où Jésus était Jérémie? Mais Élie avait été enlevé au ciel. Jérémie était mort. Jean-Baptiste aussi a été décapité, il était mort. Mais comment il pouvait dire que Jésus était soit Jean-Baptiste ou Élie ou Jérémie? Pour l'un des prophètes. Quand le peuple est sans révélation, le peuple est sans frein. Ils vont dire n'importe quoi. Ils vont se comporter n'importe quoi. C'est ce que nous avons dans les assemblées maintenant. Mais malgré cela, Dieu travaille avec son peuple. Dieu traite avec ses enfants. Dieu ne traite pas avec nous en tant que membres d'une église. Nous devons oublier l'esprit des assemblées. Notre église. Notre pasteur. Dieu traite avec chacun de nous. En tant qu'individu. Par la révélation. Pourquoi vous devez vous examiner vous-même, non, à chaque fois? Dans quelle mesure Dieu vous révèle-t-il sa parole? Oui. Parce que Dieu traite avec chacun de ses fils. Voilà pourquoi chacun doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Donc c'est ton affaire, toi et ton Dieu. Le prédicateur te donne la parole parce qu'il a été appelé à prêcher. Et frère Branham dit, tout ce que le prédicateur a fait, c'est de jeter la semence. Le reste, c'est Dieu lui-même qui oriente la semence dans chaque cœur, selon les besoins de chaque cœur. Ce n'est pas le prédicateur qui convainc les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Et c'est lui qui révèle la parole au cœur de l'homme. Voilà pourquoi chacun doit voir. Parce que l'église du Seigneur Jésus, c'est l'église du Saint-Esprit. Parce pas les églises qu'on appelle un pévian longo. Ça, c'est une histoire. L'église du Saint-Esprit, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que chaque membre de son corps devient membre de ce corps. Par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ok, je continue. Donc Jésus était l'un des prophètes. Il était un prophète. Mais il n'était pas l'un des prophètes. Il était le prophète. Le prophète. Tous les prophètes. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Moïse, tout inclus en Jésus. Il était la plénitude des prophètes. Bon, ça c'était la réponse que les gens ont donnée. Mon nom, tu es soit ceci. Même aujourd'hui, on en a encore. Maintenant, il se retourne à ses disciples. Et vous, comme vous et moi, nous sommes disciples. Parce que nous sommes baptisés en son nom. Nous sommes les disciples. Et vous, le disciple. Qui dites-vous que je suis? Dans l'assemblée, silence. Il est qui? Vous voyez, maintenant là, ce n'est pas l'affaire au nom de notre église. Simon Pierre lève le doigt. Jésus lui dit oui. Allez, Simon Pierre répondit. Simon a fait le Simon encore. Tu es le Christ. Vous allez le Christ. Le Fils. Moi, du Dieu vivant. Tu es le Christ. Vous allez le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Moi, non. Je m'arrête encore un peu ici. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Quand vous lisez ceci, parce que vous avez déjà lu ça, même plus d'une fois. Mais est-ce que avez-vous déjà saisi la portée de la réponse que Simon Pierre a donnée? C'est là qu'on pensa. Nous tous y étions tina pensa. Il dit à Jésus, tu es le Christ. Alors, le Fils du Dieu. Frère Banam prêche. Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Notre frère Barillier, paix à son âme, lui l'a traduit en disant, Christ est la révélation du mystère de Dieu. Mais en anglais, c'est Christ is the mystery of God revealed. Donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc, Christ est le mystère. Vous pouvez dire que Jésus est le Christ. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? C'est là le problème. Vous pouvez répéter seulement ce qui est écrit dans la Bible. Vous pouvez répéter seulement ce que le prédicateur a dit. Que Jésus est le Christ. Le Fils de Dieu. Quand vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, comprenez-vous la portée de ce que vous dites là? Est-ce que vous comprenez ce que signifie Fils de Dieu? C'est là encore un problème. Et là-dedans, maintenant, vous voyez, chers frères et sœurs, il s'agit de la divinité du Seigneur Jésus. Frère Branham a enseigné la divinité du Seigneur Jésus. Il prêche la divinité de Jésus. Dieu dévoilé. le Dieu puissant dévoilé devant nous. La divinité expliquée. Dans tous ces sermons-là, Frère Branham a parlé sur la divinité du Seigneur Jésus. Mais est-ce que vous et moi, frères et sœurs, est-ce que nous méditons profondément là-dessus? Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Donc le Fils de Dieu. Est-ce que quand vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, il y a la pensée de Trinité. Il y a la pensée de Binité. Il y a aussi la pensée des unitaristes. Vous et moi, nous croyons le message que fait Vanamara. Mais j'attire votre attention ce matin sur la divinité du Seigneur Jésus. Peut-être que vous direz, non, je crois que Jésus est Dieu. Mais comment Jésus est-il Dieu? Vous voyez, donc soyons sur nos gardes. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas comme des gens qui s'imaginent qu'ils ont la chose en main, alors que rien du tout. Ou quelqu'un à qui on a donné la chose même, il tient ça en main. Mais il ne réalise pas la valeur de la chose qu'il tient dans sa main. Il a la chose entre les mains. Mais lui-même ne réalise pas la valeur de ce qu'il tient. Il a ses malheureux aussi. Ou quelqu'un qui s'imagine avoir la chose alors qu'il n'a pas la chose. C'est terrible. Prenez un ami. La première des révélations. Et qui est la plus grande de toutes les révélations. C'est celle de la divinité de notre Seigneur Jésus. C'est la première des révélations. Et c'est la plus grande des révélations. De savoir que Jésus-Christ est le Dieu suprême. Suprême signifie au-dessus de lui, il n'y a personne. Et lui, est le plus élevé. C'est la première des révélations. Mais le problème, quelle pensée avez-vous? Avez-vous la pensée unitariste? Les unitaristes, on les appelle aussi les Jésus seuls. Jésus. Les dignitaires, eux, restaurent Dieu. Comme les témoins de Jéhovah. Ils disent que Jéhovah est le Dieu puissant. Et Jésus, son fils, c'est le Dieu puissant. Avec des minuscules. Jéhovah, c'est Dieu avec des majuscules. Dieu puissant. Et Jésus, le Fils, Dieu puissant avec des minuscules. Et les trinitaires, eux, donc la pensée que les Romains ont apportée, donc, il y a trois personnes en Dieu. Quand on parle de trois personnes, ça fait trois dieux. Si nous avons cette pensée-là, nous sommes des païens. Donc si quelqu'un a cette pensée-là en lui, c'est un païen. Toi qui as trois personnes en Dieu. Comme les catholiques nous ont enseigné, et comme les protestants aussi ont suivi la trace de la maman, ils ont aussi enseigné. Les pentecôtistes, les tricheurs du message, ils ont essayé un peu de modifier. Parce que les années passées, eux aussi étaient dans la pensée trinitaire. divinité. Mais aujourd'hui, maintenant, ils prônent Jésus. Jésus là qu'ils prônent là. C'est qu'ils le connaissent vraiment. Écoutez, chers frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'abord de connaître la parole. Mais d'abord, il s'agit de le connaître lui. La personne de Jésus-Christ. Si vous le connaissez lui, alors sa parole deviendra claire pour vous. Mais tant que vous ne le connaissez pas, mais moi je connais Jésus. Malheur. Doucement. Allons calmement. Moi je connais la parole. Je connais la parole. Oui. Il ne s'agit pas d'abord de connaître la parole. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ici. Vous pouvez connaître les versets de la Bible. Mais sans révélation, toute votre connaissance là, le diable viendra, il piétine là-dessus. Piétine. Avec tous ces bagages-là que vous avez là. Le problème, c'est d'abord de connaître l'auteur de la parole. Le connaître lui d'abord. Alors le connaître lui, c'est par la révélation. Il faut qu'il se révèle à vous. Tant qu'il ne se révèle pas à vous, personnellement, sa parole ne sera jamais révélée. Je parle sur l'importance de la révélation. Mais... donc, pour que la parole devienne claire pour vous, il faut d'abord que lui, l'auteur de la parole, se révèle à vous. Et vous le connaissiez par la révélation. Jésus, reprenant la parole, lui dit, yes, tu es heureux si mon fils est Jonas. Vous allez monter dans les Est-ce que ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela? Révélé. Mais c'est mon Père qui est dans le cieux. La pensée c'est quoi? Mais c'est mon Père qui est dans le cieux qui l'a fait. Et révélé. C'est mon Père. Ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. Pour que tu comprennes que je suis le Christ. Ouais. Le Fils de Dieu. Moi, dans l'âme. Ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est dans le ciel. Qui t'a révélé cela. Ce qui est particulier. Pendant le ministère terrestre de Jésus, jamais on n'a entendu Jésus dire aux Juifs, je suis Dieu. Jamais. Lisez les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lisez ça en entièreté. Nulle part vous verrez Jésus parlant aux Juifs dire aux pharisiens, aux pharisiens, moi je suis Dieu. Comme il y a des gens qui se proclament Dieu, même ici, en RD Congo. Il y a un qui a été pensé que là je crois. Balatudikoy. Il se proclame le Dieu créateur, le Dieu tout puissant. Mais Jésus, pendant son ministère terrestre, jamais il a dit aux Juifs, je suis Dieu. Mais, il appelait Dieu son propre Père. Jésus parlant de Dieu, il appelait son propre Père. Donc si moi je dis que frère Jean est mon Père, donc la conséquence logique c'est que je suis le fils de Jean. Quand Jésus appelait Dieu son propre Père, c'est qu'il s'est déclaré fils de Dieu. Et ça, chacun peut lire ça dans les évangiles. Mais pour les Juifs, c'était autre chose. Je prends un peu Jean chapitre 10. Évangile selon Saint Jean. Chapitre 10. Je commence au verset 30. Jésus parlant dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous, c'est le pluriel. Nous, c'est le pluriel. Moi et le Père, nous sommes un. Et quand Jésus a dit ça, alors les Juifs se prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus n'a pas dit je suis Dieu. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Pour les Juifs, Jésus a blasphémé. Parce que lui qui était un homme, il se faisait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus n'a pas dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus n'a pas dit ça comme ça, je suis le Fils de Dieu. Yes, mais il appelait Dieu son Père. En appelant Dieu son propre Père, il déclarait ainsi Dieu. Mais est-ce que Fils de Dieu, avec la pensée de Trinité, je pense que nous ici, personne, en tout cas, n'a la pensée trinitaire. Pour la pensée binitaire, comme les témoins de Jéhovah, je ne pense pas. Mais le danger, c'est celui-ci. La plupart de ceux-là qui ont cru le message de Frère Branham, ils provenaient des églises qui avaient la pensée trinitaire. Les catholiques, les protestants, c'est un témoin de Jéhovah aussi. Comme le frère Wood qui était témoin de Jéhovah. Mais en croyant le message de frère Branham, ils ont basculé sans se rendre compte dans la pensée unitariste. Ils ont basculé dans la pensée unitariste. Jésus seul. Donc Jésus est lui-même son Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Alors Frère Branham dit que Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Cela contredirait les Écritures. Alors vous et moi maintenant, quand nous parlons du Fils de Dieu, quelle pensée avez-vous, mon frère? Ma soeur, quand vous parlez de Jésus, Jésus le Christ. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites que Jésus est le Christ, je parle ce matin, tel que nous sommes assis là. Que chacun se pose un peu la question. Jésus le Christ. Qu'est-ce que je dis que Jésus est le Christ? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que je comprends par là? Ma soeur, vous-même, vous pensez que Jésus est le Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que vous saisissez? Qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est très important. Oui. Pour que l'apôtre Pierre comprenne que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, donc le Fils de Dieu vivant, cela lui a été révélé par le Père. Et si lui, Pierre, en ce temps-là, pour qu'il comprenne cela, c'est le Père qui lui a révélé cela, vous et moi encore aujourd'hui, pour que nous comprenions cela, il faut que le Père nous révèle cela. Si cela ne se passe pas comme ça, vous aurez toujours une idée vague. Oui, je crois que Jésus est le Christ. Donc vous restez en surface. Vous n'allez pas dans la profondeur. Vous restez à la superficie. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus est Dieu. Ok, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Cela signifie Fils de Dieu, c'est quoi? Ouais, dans ce que je dis ici, je vous donne la matière en même temps, des sujets de méditation profonde. Pour que vous méditiez profondément, que vous ne restiez pas en surface. Parce que Pierre, cela lui a été révélé pour qu'il comprenne que Jésus est le Christ. Et vous et moi aujourd'hui aussi, pour que nous comprenions cela, eh bien, il faut que ça nous soit révélé. Écoutez un peu ceci. Je prends question et réponse du 3 janvier 1954. Question et réponse du 3 janvier 1954. Ce bonhomme dit ceci. 1954, 3 janvier, soir. Parce qu'il y a matin et soir. Donc, question et réponse du 3 janvier 1954, soir. Au paragraphe 190. Écoutez un peu ce que Frère Bonhomme dit. Et ça doit nous aider chacun à nous examiner aussi et voir qu'en est-il de nous alors. Parce qu'ici, il parle du diable. Frère Bonhomme parle de Satan. Il parle de Satan. Diable, mais écoutez ce qu'il dit. Comme je dis ça dans les téléphones, c'est pourquoi je prends un peu de temps pour ça. Dans le livre, dans les questions et réponses, dans les CVD, c'est facile à trouver là. Ok, écoutez ce que tu fais, voilà, monsieur. Savez-vous que le diable croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, et le diable aussi croit que Jésus est le Fils de Dieu, alors entre vous et le diable, quelle différence? Il faut qu'il y ait une différence. Savez-vous que le diable croit que Jésus est le Fils de Dieu? Savez-vous que le diable a publiquement confessé que Jésus était le Fils de Dieu? Le diable, il a confessé ça comme ça, et il n'était pas sauvé. Et il n'aurait pas pu être sauvé. Il est le diable. Donc, de confesser que Jésus est le Fils de Dieu n'est pas suffisant. Ouais. Donc, pas seulement le fait de dire que non, je crois que Jésus est le Fils de Dieu n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Non, il faut que cela vous soit vraiment révélé. Vous devez avoir la révélation de ce que c'est que Jésus dit parce que si vous n'avez pas la révélation, alors, et vous et le diable, vous êtes le même. Et le diable aussi croit que Jésus est le Christ. C'est ce que le Frère dit. Savez-vous que le diable croit que Jésus est le Christ. Et lui, il confessait publiquement que Jésus est le Christ. Le diable, il confessait publiquement que Jésus. Alors, mais si vous aussi, vous confessez ça, vous avez un peu de c'est-à-dire que c'est la révélation. Alors, c'est grave. Qu'en est-il alors de vous et de moi? Chers frères et sœurs, j'attire votre attention sur l'importance de la révélation. Vous voyez que le Seigneur Jésus était... Non, non, il était très content. Non, tu es bienheureux, Simon. Simon, tu es bienheureux. Car ça ne se voit la chair et le sang qui te répètent. Mais c'est mon père. Quand il dit mon père, c'est il appelait Dieu son propre père. En appelant ainsi Dieu son propre père, il s'est déclaré automatiquement fils de Dieu. Oh, tu es bienheureux. Ce n'est pas la chair et le sang qui te répètent. Tu n'as pas compris ça par l'intellect. Yo, ce serait un côté dans le séminaire ou à la faculté de théologie. Mais c'est mon père qui est dans le ciel. Qui te l'a répété. Pour que tu comprennes que je suis le Christ. Le Fils de Dieu. Moi, j'ajoute un peu quelque chose encore. Question et réponse. Mais tout n'a pas bien, non. Question et réponse du 15 mai. Et tout n'a pas bien, non, il y a mon collation, mais la mitane au sens, il y a mitane. 15 mai 1954, toujours. Mon collation, mais la mitane au sens, la mitane, on boubelle dans mon bouillon, on boubelle dans mon bouillon, on boubelle dans mon bouillon, on boubelle dans mon bouillon. Le 15 mai 1954. Question et réponse, toujours. Mais tout n'a pas bien, il y a mon bouillon, mon bouillon, 15 mai 1954. Écoutons un peu ce que dit le prophète ici. Au paragraphe 307. Question et réponse du 15 mai 1954. Bon, celui qui peut lire dans le COD, il peut voir la question qui était posée. Et la réponse que donnait le prophète. Mais moi, je ne prends que le paragraphe qui m'intéresse ici. Na oyo azali na buku oyo babengisi ode akoki kotala mutuna oyo na mimpe eyano oyo epesa minkasi awa ngana azali kotanga. Je ne prends que la partie qui m'intéresse ici. Azali kozobobele teni oyo ezali ko lobelelanga yao. Pour ne pas lire beaucoup. Ona kotanga mingi te. 307. Koma misatu na sambo. Frère Bonhomme dit. Et je ne suis pas unitaire. Donc la pensée de Jésus-Christ. Les Jésus seuls. Il y a Yesu, qui pour eux, Jésus est lui-même le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est différent quand quelqu'un dit que Jésus est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, non, non, non. Non, non. Na mutu azali profete Yesu yamoko azali tata mwana pe mulimo santu. Dieu. Nzambe. Et père, tata, il est fils, azali mwana, il est saint. Parce que ce sont trois attributs qui lui appartiennent. Ok. Oui. Mais le fils, mwana. Bref, Dieu est père, Zambé, azali tata. Il est fils, azali mwana. Il est saint. Dieu en tant que père. Zambé, le kolakata. Il était au-dessus de nous. Azaki la colonne de feu. La colonne de feu. Quand il a l'icône la moto. Il s'est trouvé par la colonne de feu. Oh, il savait que Dieu est dans la colonne de feu. Il savait que Dieu est dans la colonne de feu. Mais il était au-dessus. Le père. Tata. Dans la dispensation de la paternité. Dieu. Zambé. Saint-Esprit. Morimo Saint. C'est Dieu. Dans l'homme. Dieu dans les hommes. Invisible. Mais l'attribut de Dieu qui a scandalisé l'humanité, c'est C'est l'attribut de Dieu en tant que fils. Et j'ai dit, mon salon, ça me fait à le pour la moine. L'attribut de Dieu en tant que fils. Mon salon, ça me fait pour salon en tant que fils. C'est ça qui a scandalisé. Il y a un des bêtes ici. On voit un homme. Et il dit que moi et le Père nous sommes un. Le Père demeure en moi. Celui... Tu te prends pour qui toi? Si vous voyez le Fils de l'homme, remontez là où il était auparavant. Qu'est-ce que tu veux nous dire toi? Nous connaissons ta mère, c'est Marie. Est-ce que tu veux lui dire qu'avant que tu ne naisses sur la terre, tu étais quelque part? Jésus savait de quoi il parlait. Mais les Juifs n'arrivaient pas à comprendre. Sans révélation, vous ne pouvez pas saisir la portée. Il faut la révélation. Il faut la révélation. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous assiste. Et je ne suis pas un unité. Non, monsieur. Vous, les trinitaires, débarrassez-vous de cette idée-là. Je ne suis pas unité. Non, monsieur. Je ne suis ni unité, ni trinité. Je crois ce que dit la Bible. Allons-y maintenant. Vous et moi qui croyons le message de Frère Branham. Parce que nous devons croire exactement comme William Branham. Comme lui croyait. Et c'est la même foi que nous devons avoir. C'est la foi apostolique. Frère Branham dit, la foi apostolique, c'est la foi de la Bible. La foi apostolique, c'est la foi de la Bible. Je crois la Bible telle qu'elle est écrite. Sans aller à gauche ni à droite. Je crois la Bible telle qu'elle est écrite. Mais il faut que Dieu vous en donne la révélation. Quoi tu pouvais lire. Mais sans révélation, vous ne saisirez pas la pensée. C'est là le problème. Et c'est là où, quand j'ai dit que les prédicateurs nous ont plongés vraiment dans le désordre, c'est une réalité. Beaucoup sont précipités pour prêcher seulement. Eux-mêmes embrouillés et embrouillant aussi les autres. Ah ouais. C'est pourquoi nous avons des croyants aujourd'hui qui sont déformés. Des prédicateurs déformés et des croyants aussi déformés. Parce que le Seigneur Jésus a dit, quand un aveugle conduit un autre aveugle, aucun n'échappera. Tous les deux tomberont dans la faute. Et le conducteur et la personne qui le conduit, tous les deux tomberont dans la faute. Et le Seigneur l'a dit, parlant aux pharisiens qui étaient des conducteurs spirituels en ce temps-là. Et l'esprit des pharisiens est encore. Les hommes sont morts, mais les esprits sont encore là. Comme l'esprit de Jézabel, non? Jézabel est morte, non? Jézabel a couffé. Mais l'esprit de Jézabel est encore là. Jézabel est allé. Surtout du côté des femmes. Et surtout les jeunes filles. Et les mamans peut-être bon. Mais les jeunes filles. Dans les églises. Tendance moderniste. Tendance un peu moderniste. Et vous rêvez cette. Il agit en fonction de ce qu'il croit. Oui, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que vous croyez, alors où est votre foi? Qu'est-ce que vous croyez? Donc vous dites que vous êtes croyant de la bouche. Mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Parce que le christianisme est un mode de vie. De manière de vivre. Voilà pourquoi vous m'avez dit, si quelqu'un se proclame chrétien, mais il ne vit pas comme doit vivre un chrétien, il devient une grosse pierre d'achoppement. Et Syrie, Dieu le juste juge. Il te demandera du compte. Voilà pourquoi il nous a demandé de n'être en scandale ni aux croyants, ceux du dedans, même aux gens du dehors. Et quelqu'un qui doit faire un office dans l'église, doit avoir un bon témoignage dans l'église, l'extérieur. Parce que sinon, si là, il scandalise les gens, ici, les diacres, est-ce que les gens nous trouveront sérieux? Si je ne vis pas ce qu'il prêche, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la salamie. Assez-vous. N'attendez pas qu'on vienne vous enlever de la chair vous-même. Vous allez la chair, vous allez la chair, vous allez la chair, vous allez la chair, vous allez la chair, amen. Donc nous devons être sérieux dans la foi, sérieux, parce que nous croyons la parole, et nous sommes des croyants, et nous devons manifester notre vie de croyance. Ok. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, je lis encore. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, tu as envoyé dans le monde. Frère Branham dit, comment le Père a-t-il envoyé son Fils dans le monde? Le Père lui-même est entré dans le Fils. Voilà comment le Père a envoyé son Fils. Et maintenant, avec la pensée de Trinité, quand le Père a envoyé son Fils, a envoyé. Donc le Père est resté sur le trône, il a envoyé le Fils. La manière dont le Père a envoyé son Fils, c'est en entrant lui-même dans le Fils. Voilà pourquoi il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Dis-tu, montre-nous le Père. Vous lui dites, tu blasphèmes. Donc celui que le Père a sanctifié et envoyé le monde, vous lui dites, oh, tata, tu blasphèmes. Et c'est là, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres. Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis le Père est en moi et que je suis dans le Père. Mais tout cela pour que vous saisissiez la portée de ces paroles de Jésus, il faut la révélation. Nous sommes pas théoriques, nous il faut la révélation. Sans la révélation, rien du tout. Je crois ce que la Bible dit différemment. J'ajoute un peu rapidement avant de continuer. Je prends ceci. La divinité expliquée. Prêché le 25 avril 1961. Et c'est la matinée dans mon colloque, tout le monde est en train de se faire, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de la divinité explique. Écoutez ce que dit Fabon. Je vais au paragraphe 124. Paragraphe 124. Fabon dit ceci. De cobrer la maloubi. Maintenant, ça, ça y dit. Certaines personnes ont dit. Batemoussou maloubi. Frère Branham. De quoi, Branham? Vous êtes un Jésus seul. Ozali mutu oyo adimeliyesu yemoko. Donc il y a des gens qui sont venus voir Frère Branham. Ils ont abattu avec beaucoup d'argent de quoi, Branham? Et lui dit. Balobinaye. Frère Branham. De quoi, Branham? Vous êtes un Jésus seul. Yo, ozali mutu abaneyesu bobele yemoko. Je tiens à dire que ça c'est une erreur. Nalingi portali sete li kamboya boye zali bunga. Je ne suis pas un Jésus seul. Je ne suis pas un unitariste. Je ne suis pas un Jésus seul. Quelqu'un a dit. Frère Branham. Êtes-vous un trinitaire? Êtes-vous un trinitaire? Non, monsieur. Je ne suis pas un trinitaire. Je suis un chrétien. Le mot trinitaire n'est même pas mentionné dans la Bible. Trinitaire, le mot trinité. Et je ne crois pas qu'il y a trois dieux. Distincts. Je crois qu'il y a un dieu en trois fonctions. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est exactement pour ça que nous avons reçu la commission de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ah, vous voyez maintenant que Matthieu 28, 19, avec Acte 2, 38, Acte 2, 38 est la révélation de Matthieu 28, 19. Mais sans révélation, vous lirez Matthieu 28, vous lisez Acte 2, 38, mais vous continuez à baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais avec la révélation, vous verrez que Acte 2, 38, révèle Matthieu 28. Révélation. Je crois que c'est du bon. Ok. Je saute. Je vais à 131. Mais celui qui peut lire la maison, hein, vous pouvez lire. Maintenant, Dieu ne peut pas être trois personnes. Trois dieux. Parce que trois personnes, c'est trois dieux. Ça, ce sont les trinités. Jésus ne peut pas non plus être son propre père. Jésus ne peut pas non plus être son propre père en un. Non. Ça, c'est la pensée des unitaristes. Et beaucoup de ceux qui ont cru le message de Frère Branham, sans se rendre compte, ils ont basculé dans cette pensée-là. Mais par la grâce de Dieu, nous devons lire le message et prier Dieu pour nous donner la révélation pour que nous croyions exactement comme William Branham croyait. Nous avons la même foi avec lui. Parce que sinon, alors nous croyons ce message en vain. Parce que si nous ne croyons pas exactement comme lui croyait, lui a une autre foi et nous a une autre foi. Alors c'est grave. Cela il ne répondra pas pour nous. Et quand il a dit que si ceux de Paul entreront, moi et les miens aussi. Oh non, mais si tu n'as pas la même foi que lui, tu ne seras pas parmi les tiens. Et alors de là, je l'ai odissé. Si tu n'es pas parmi ceux de William Branham, tu ne seras pas. Donc, pas d'enlèvement. Non, connais-tu la mort. Pas d'enlèvement. Oui, donc soyons vraiment sur nos gardes. Donc, au paragraphe 131, oui. Dieu ne peut pas être trois. Oh. Oui, Dieu ne peut pas être trois. Trois personnes. C'est-à-dire trois dieux. Jésus ne peut pas non plus être son propre père. Amen. Vous voyez? Donc vous voyez? Ça fait que les deux sont radicalement faux. Que ce soit la pensée des unitaristes, que ce soit celle des trinitaristes, c'est radicalement faux. Toutes les deux pensées là font faux. Alors maintenant vous voyez, sur la divinité de Jésus. Qu'en est-il de vous, mon frère? Qu'en est-il de vous, ma soeur? C'est un sujet de méditation. Mais Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, tu es heureux, Simon. Ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Quand vous lisez, si quelqu'un a Darby, il verra que là il est parlé maintenant de roc. Et moi je dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Là, il y a Biblia Darby. Et quand vous lisez même en anglais, la Bible anglaise du roi Jacques. Mais en français ici, on a dit petite pierre, Donc, et moi je dis que tu es Pierre. Non. Comme je dis à mon frère Jean. Toi, tu es Jean. Oui. Amen. Tu es Pierre. Mais sur cette petite pierre là. C'est quel roc là? Cette révélation que Pierre a reçue. Qui était Jésus? Cette révélation. Et ce petit roc. Cette petite pierre. Et tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ah, yo, je suis dans la voilà. Il n'a pas dit je bâtis. Je bâtirai. C'est au futur. Quand il parlait à Pierre, il n'a pas construit l'église en ce moment. Il a parlé du futur. Je bâtirai. Je bâtirai. Et moi je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort. Séjour de mort. Ne prévaudront point contre cette église. Prévaloir signifie lutter contre et vaincre. Prévaloir et l'Ikoloba. Donc en d'autres termes, les portes du séjour de mort. Combattront contre cette église mais n'arriveront jamais à la vainque. Pourquoi? À cause de la révélation. Donc la révélation sur le roc. Et c'est la révélation, sur le roc. Il vente, qu'il neige, qu'il pleure. Il est debout sur le roc. Le roc de la révélation. De qui est Jésus? Ah, que Dieu nous aide. Le séjour des morts. Le séjour des morts. C'est un endroit où les gens vont après la mort, non? Séjour des morts. On dit séjour, c'est que c'est pas quelque chose qui demeurera. Moi je suis en séjour à Kinshasa. J'habite Matadi. Je suis venu en séjour. Donc c'est pour quelques jours. Donc mon séjour va prendre fin. Je vais retourner chez moi. Là, dans Apocalypse chapitre 20. Écoutez ce qui est dit. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts. Sur jeté dans les temps de feu. Et la mort. Ce qui nous fait peur aujourd'hui. Ce qui fait peur aux hommes aujourd'hui. Les hommes ont peur de mourir. L'apôtre Paul dit. Donne-moi la mort, mais un gain. Je préférerais m'en aller et être tout près du Seigneur. Mais à cause de vous, pour que je continue encore à vous exhorter, voilà pourquoi le Seigneur me garde encore dans ce corps. Mais si ça dépendait que de moi-même, je préférerais m'en aller. Oui, c'est vrai, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Notre vie sur terre, c'est quoi? Soyons conséquents, non? Notre vie sur la terre. Pourquoi? Dormir, se réveiller, manger, travailler, entrer, la maladie et la mort vient aussi, vous êtes parti, c'est fini. Alors c'est quoi? Notre séjour sur la terre. Vanité de vanité. Pamba, vanité de vanité. Pamba. Donc que Dieu soit béni. Zambé, parce que notre vie a un sens aujourd'hui. Notre séjour sur la terre a un sens. Parce que ni c'était ça. Quoi? Même si j'ai l'argent. Je vis dans une villa. Comme le président Trump là, tout, avec sa villa, je ne sais pas moi, de Philadelphie là ou quoi, tout ça. Donc, lit en or. Les verres en or, les ustensiles de cuisine en or, tout ça. C'est quoi? C'est quoi? Parce que milliardaire, mbongo et bere bere. Un milliard, c'est 1 000 000 000. Parce que quand il y a 7 milliards. Donc, il y a 7 000 millions. Yo! Le verre en a choisi. C'est un zombie en or. Qu'est-ce que ça lui dit? Moutouka, voiture. Rolls Royce. Or, en or. Il y a un avion et un net, il y a une voiture. Aujourd'hui, chauffeur, il y a une voiture. Il y a un pilote. Avion et un avion à part, ma comment fait Donaldson. Hélicoptère, moussous, founayo, commandé hélicoptère, ma comment Donaldson. Vanité, tout ça. Avec la mort qui vous attend là. Avec la mort qui vous attend là, au coin. Et si vous n'avez pas su la parole. Ça va, n'y va pas. À quoi cela aura fait? Oui, donc je vous dis ceci, mes frères. Pour que nous réalisions la grâce de Dieu. Oui, c'est ça, et que nous soyons conséquents. Okay. Donc les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre toi. Je bâtirai. Il a dit, je bâtirai mon église. Et je te donnerai. Il n'a pas dit je te donne. Je te donnerai. Toujours au futur. Je bâtirai mon église. Et je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Frères et sœurs, les clés de la mort et du séjour de mort, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui tient ça. Chapitre 1er, Apocalypse, chapitre 1er, verset 17 et 18. Et moi, je suis capable de me faire un peu de temps. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Quand il dit je suis le premier, c'est qu'avant lui, il n'y a personne. Je suis le dernier. Après lui, il y a. Je suis le premier. Et le dernier. Et le vivant. Ouais. J'étais mort. Nakoufaka. J'étais mort. Nakoufaka. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est clair. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, non? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés de la mort et du séjour des morts, ça c'est lui-même qui tient ça. Et si son esprit est dans mon cœur, est-ce que je crains la mort? Qu'est-ce que le mort fera? C'est seulement une porte qui va s'ouvrir. Et je dirai au gloire à Dieu. C'est que mon séjour sur la terre est terminé. Calmement, je m'en vais. Oui. Je m'en vais calmement. La mort sera comme un domestique, là, c'est moi qui viens me prendre et m'amener jusqu'à là où je dois aller. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais les clés du royaume des cieux, Dieu a donné ça à un homme. À Pierre. Allez-y. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne comprendrez pas la portée de ces paroles que Jésus a prononcées ici. Quand il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Quelle commission avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, tout ce que tu feras sous inspiration, moi au ciel je vais valider ça. Moi je vais valider ça. Toi tu fais ça sur la terre, mais moi au ciel je valide ça. Ah, quelle commission. Et mon salaire à l'engagé. Hein, cher frère, oh, ben, belle, quelle commission. Mon salaire à l'engagé. Et le jour de Pentecôte, c'est le jour où le Seigneur a institué son église. Cette église, on te l'a dit, je bâtirai. Il devait d'abord mourir, payer le prix, ressusciter, ascensionner dans la gloire, et ensuite revenir. Le jour de Pentecôte, il est revenu dans son église. Cette église-là, qui était... Bah, il a dit qu'il va bâtir sur la révélation, sur le roc. Cette église a été soutenue le jour de Pentecôte. Il y a des gens qui ont posé la question. Comme frère. Ils ont posé à Pierre. Que feront? Et Pierre qui avait les clés a pris seulement la clé. Pour ouvrir le royaume des cieux. Pour permettre aux gens d'entrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume. Il leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Madame dit, je ne crois pas la repentance aux yeux. Ne comprenez pas. Je ne crois pas la repentance aux yeux secs. Mais il y a aussi des larmes de crocodile. Mais après, Nassima. Non. Alors les larmes là qui étaient répandues, c'est quel genre de larmes? La bama pisoli wa wele so pamaki. Pisoli angando. Donc, vous voyez, donc c'est dans un sens ou dans l'autre. Donc, chacun doit s'examiner vraiment. Qu'est-ce qui s'est produit dans votre cœur? En écoutant ce message. Répentez-vous. Qui est là? Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas vos péchés. Pour accomplir les mêmes choses. Il a dit ça aux Juifs. Alors ils vont aux Juifs. Là-bas, à Jérusalem. Dans Jérusalem. Le jour de Pentecôte. Là. Quelque temps après. Philippe est allé en Samarie. Philippe a été en Samarie. Il a prêché l'Évangile là-bas. Les gens ont cru. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais Kasi. Le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux. Ils ont envoyé le message à Jérusalem. Les apôtres Pierre et Jean sont venus. Parce que Pierre, celui qui avait les clés, Il a ouvert pour les Juifs à Jérusalem. Il est descendu en Samarie. Il devait s'ouvrir pour les Samaritains. Alors il leur a imposé les mains. Il a prié pour eux. Le Saint-Esprit. Il est allé chez Corneille. Les Juifs. Les Samaritains. Samalia. Les gentils. Parce que Corneille était romain. Un soldat romain. Donc un gentil. Les trois races. Les Sémites, les Camites, les Japhites. Les descendants des trois fils de Noé. Chez Corneille. Et pas la Corneille. Nous connaissons l'expérience. Pierre. Oh, il a vu la vision. Or Corneille, avec l'expérience qu'il a vécue, il a intéressé les membres de sa famille. Il a intéressé les gens. Venez à côté de moi. Il y a l'homme de Dieu qui va venir. Si quelqu'un se tient en présence d'un vrai serviteur de Dieu, il se tient en présence de Dieu. Amen. Il a réuni les gens là-bas. Venez chez moi. L'homme de Dieu vient. Pierre arrive. Il faut les gens réunis. Il dit à Corneille. Dites pourquoi vous m'avez fait appel. Corneille a commencé à expliquer. Corneille, j'étais en train de prier. En vision. J'ai vu un ange. Nous connaissons. C'est pourquoi j'ai envoyé les gens pour qu'ils viennent t'appeler. Écoute un peu. Je pense un peu rapidement. Pour que chacun voie un peu. Simon se nomme. Ok. Verset 33. Acte 10, 33. Aussitôt, donc après qu'il ait expliqué la vision qu'il a eue, il dit, aussitôt j'ai envoyé vers toi. Et tu as bien fait de venir. Écoutez maintenant ça qu'il dit. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Alors tu étais devant Pierre. Hein? Mais il dit, maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Pour entendre tout ce que le Seigneur a ordonné de nous dire. Et vous aussi, vous entendez ce que le Seigneur a mis sur le cœur du pasteur, vous vous devez. Amen, amen, amen, amen. Alors Pierre ouvrant la bouche, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Quand vous lisez maintenant à partir du verset 36, même quand vous lisez, si je lis ça même, ou à la maison, lisez ça. Je ne sais pas, ça vous prendra combien de temps pour lire ça. Il a envoyé tout, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Frère Banam dit, si votre cœur est ouvert, vous êtes sincère et vous suivez la parole, il dit, le Saint-Esprit peut venir à l'instant même. Oh que Dieu nous aide. Parce que vous voyez chez Corneille, nous les gentils, non? C'est l'évangile de foi qui nous a été prêché. Croyez seulement. Croyez seulement. Tout est possible. C'est lui qui croit. Croyez seulement. Vous voyez pourquoi Frère Branham aimait ce cœur-là. talentine en mode de gouvernement. All things are possible. Toutes choses sont possibles. Nous, nous. Quand Dieu tout dit tout, c'est tout. Ce qu'ils ont fait, le bête, nous, mais c'est vous et moi. Et ça bien nous pensons pas là Dieu le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui mais il a demandé, il a ordonné qu'on puisse les baptiser dans l'eau. Donc, eux, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Bango bazoki li batisi ya mulimo santo li boso ya li batisi ya mai. Dieu souverain. Zambe azana bokozi na ye nyonso. Ça peut aussi arriver aujourd'hui. Eh, pour nous faire passer le malheur. Il est le même, non? Azana le même loko. Jésus-Christ est le même hier. Yes, nous savons. Aujourd'hui. Éternellement. Père libéré na libéré. Ce qu'il a fait hier. Oui, azana kilo milo leki. Il va le faire aujourd'hui. Pour nous faire passer le malheur. Tout dépend de la disposition de cœur. Nyonso azana passer le malheur le lendemain prochain. Très bonhomme dit, quand Dieu a vu la disposition de leur cœur, nous le seul ne pouvait pas se laisser né. Non, la conquête comme il fait qui ça. Le Saint-Esprit est venu. Oh que Dieu nous sait. Ouais, il a ouvert pour les Juifs. Il a ouvert aussi pour les Samaritains et pour les gens. Voilà pourquoi la promesse du Saint-Esprit est valable ce matin. Oui. Quand l'évangile est prêché comme ça, et que Dieu est avec nous, et s'il voit un cœur sincère quelque part, il agira. Donc tout dépend. Oui, donc chers frères et sœurs, donc c'est ce que le Seigneur a dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié. Donc moi dans le ciel, je vais valider ce que tu feras sur la terre. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il agit sous l'inspiration, faites attention. Keba. Soyez sur vos gardes. Vous devez être sur vos gardes. Donc, dans la Bible, la Biblia, il n'y a que deux livres. Et ça, vous je termine avec ça. Le Prébanam a dit que le livre Daniel, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Écoutez un peu, je prends deux échantillons, je termine avec ça. Je prends un peu Daniel 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça c'est Daniel qui est. Si vous cherchez cette expression dans toute la Bible, vous ne trouverez ça que dans l'Apocalypse. Je prends l'Apocalypse 12. De là c'est Daniel 12. Ici encore Apocalypse 12. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Donc cette expression ici, vous ne pouvez trouver ça que dans ces deux livres, dans toute la Bible, seulement dans Daniel et dans l'Apocalypse. J'ajoute ceci pour terminer. Verset 11. Daniel 12 et 12. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Dans le français des Belges, je dirais 1290. Na lopoto ya babeliji bakoloba bobele 1290 koto moko kama liba kama mibale tuku libwa heureux celui qui attendra et sembo na yoyo akozela et qui arrivera jusqu'à 1335 jours mais oye pokoma kino na mikolo koto moko kama misatu tuku misatu na mitano. Quand vous lisez Daniel comme ça, et quoi, Daniel, aboui, comment pouvez-vous comprendre de quoi Daniel parlait ici? Depuis le temps où ce sera le sacrifice, Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260. Et dans l'Apocalypse 12, Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Dans la prophétie, nous n'avons que des mois de 30 jours. Il n'y a pas comme février, parfois 28, parfois 29. D'autres mois, on a 30 jours, d'autres 31 jours. Dans la prophétie, on ne compte que des mois de 30 jours. Donc, une année, c'est 360 jours. Une année, 360 jours. 3 ans, ça fera 360 fois 3. Et quand vous ajoutez la moitié d'une année, 180 jours encore, vous obtenez exactement 1260 jours. Donc 1260 jours représente une durée de 3 ans et 2 ans. Est-ce qu'en ce temps de la fin, est-ce que l'épouse a une promesse dans la parole d'une durée de 3 ans et demi en ce temps ici? En ce temps de la fin, rien dit. L'épouse attend l'enlèvement. Israël, il y a une promesse d'une durée de 3 ans et demi. Après l'enlèvement de l'épouse, alors ce sont les deux témoins, Élie et Moïse, qui prêcheront le message de Dieu pendant 3 ans et demi. Donc 1260 jours. Alors, avec ça, maintenant, vous pouvez comprendre ce que Daniel a dit. Donc 1290 jours, ça fait 1260 plus 30. 1260 plus un mois encore 30. Heureux celui qui attendra jusqu'à 1335. 1335 jours. Quand on 1290 plus 45 jours. Or 45 jours, ça fait un mois de 30 jours, plus la moitié de mois. Un mois et demi. Et quand vous prenez maintenant 1260, oui, ça fait 3 ans et demi, et plus un mois. Ça fait 1290. Donc ça fait 1260 plus 45, donc plus un mois et demi. Donc ça c'est Daniel parlant de son peuple. Ce qu'il a dit là ne concerne en rien le plus. Et tout ceci, il faut la révélation. Sans révélation, sans vous verrez seulement ça d'autre. Au bout du bleu, du rouge, du violet. Mais je continue par la grâce de Dieu. Avec ce que Dieu m'a mis sur le cœur de vous dire ce matin, chacun a reçu ne fût-ce que quelque chose. Je continue à personne ici qui va rentrer vide. Mais je crois que chacun a reçu ne fût-ce que quelque chose. Et que chacun va prier maintenant en fonction de la parole qui a été prêchée. Vous dites amen à la parole. Vous dites vraiment amen à la parole. Et vous m'avez aimé pour ça. Vous m'avez vraiment aimé pour ça. Parce que moi je vous aime. Hein, je crois que chacun a reçu sa part. Que Dieu vous bénisse richement. Pendant la semaine, nous allons continuer. Merci beaucoup. Ce que Dieu sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et béni. Oh, oh, oh, oh, quel riche Seulement. Tout est possible. Car le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qu'on dit mieux, comment on en bonne zone. Nima kaka. Kota la bolembuna yote. Kota mabunga te. Mabunga yambolango et panankolo. Au bon belo côté, le bela éniance, d'Alissa et Ango, et d'Adara Makoki, au Kangola, yo, au Bouka, numéro le Nyonso, au Kataba Singa Nyonso, Adara Mbouya et Ango, Nimaka. Zambe tatana biso todokseli yo matondi mingi matondi mpenza kotontea mitema na biso mpona bolingo otalisi biso ntongo moko moyenga lelo tata matondi mpona liloba. Si qu'est-ce que le bavouer de Katina lubana yo nyonso ezali. Esika bolembo ezalaki. Longola. Lendisa mwana mobali. Mwana ya mwasi. Baba ndali kozonga sima. Nguya na wetelemisa. Pese ya bolende nkolo. Tazongela kotambola. Atambola malamu. Esika bokono ezalaki. Et bim, on a combo na Jésus-Christ. Moi, mon bari, moi, ça, j'en ai un d'accord. N'en j'en ai pas de Bocha outi, na bocha li na yota. Maton di niko. Parce que na mis kakatan. Mitungis. Ma souci. Oh, na combo na Jésus-Christ. Pesa et timena. Toto di niko. Zambe na mosobe lule mwanam. Kwenye nzambe na biso. Kwa zanyi nzambe na bantoma. Zambe ya bambinisangu ya bile konyosu. Ubongwa nite. Lolenge moko lo bile lo pelibiyanzi. Oyo salaki. Fwana batata na biso mkolo. Sale la biso mpe. Tomona yango. Tokumisa yo mkolo. Matondita. Si mananzanga oyo. Batela mokona mokona biso. Maito kusala mkolo. Bon mon avis, et comme ça, au bel et au. Ici, c'est un kikinia, c'est même un kinia. C'est comme ça, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, côté les camarades. Massanjoy, Lokum, Nkembo, Boyange, Bozui, Nguya, Makas, Nyonso, et Zalia Yo, Lelo, Pe, Seko, Nasse. Tu sais que na kondima, na kombo na kolo, pe mubixi na viso, Yesu Christo. Amen.